Activité 12. Sur France Reportage, aujourd'hui, nous nous intéressons aux études des jeunes en apprentissage. Cette formation permet d'étudier et de travailler. Certains secteurs, comme l'hôtellerie-restauration ou les assurances, utilisent beaucoup cette formule. De plus en plus d'étudiants choisissent cette façon d'apprendre car elle apporte des connaissances théoriques mais aussi de l'expérience pratique. Souvent, quand les jeunes finissent la formation, ils restent dans la même entreprise et signent un contrat. Pour les étudiants intéressés, un salon de l'apprentissage va avoir lieu dans la ville de Marseille les 8 et 9 mars prochains.